Avec vous, Soukaina Aziz, bonjour à tous. Le port Tanger-Med s'agrandit. Hier, le prince héritier Moulay El Hassan a représenté le roi Mohamed VI à la cérémonie de lancement des opérations portuaires de Tanger-Med 2, une plateforme de plus qui est le double de la capacité de Tanger-Med 1. Désormais le plus grand port de la Méditerranée, il est d'une capacité totale de 9 millions de conteneurs. Depuis le début, 88 milliards de dirhams ont été investis dans le complexe portuaire Tanger-Med, des investissements qui ont permis la création de 75 000 emplois directs. Sport football pour terminer sur Flash Info. Hier, l'équipe nationale s'est imposée face à la Côte d'Ivoire et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 lors de la deuxième journée du groupe D. Le sélectionneur du 11 national a exprimé sa joie de la victoire réalisée par les Lions de l'Atlas face à la Côte d'Ivoire, 1-0 lors du match disputé hier au Stade Salem du Caire pour le compte de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas ont joué un bon match et méritent bien leur victoire. Nous savions que la Côte d'Ivoire serait un puissant adversaire, mais nous avons considérablement amélioré nos performances, ce qui nous a permis de gagner, a déclaré Hervé Renard lors de la conférence de presse après match. La sélection nationale s'est qualifiée au 8e de finale. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Youssef Ansari à la 23e minute.